bien réveillée, elle fait tourner sa cuillère dans son thé. À quoi pense-t-elle dans sa tête? Je ne sais rien d'elle, on s'est connu hier. Une nuit, ce n'est qu'un début, mais elle aussi a l'air un peu perdue. Est-ce qu'elle devine que je l'aime, qu'elle me bouleverse déjà depuis hier? Je l'attendais, oh comme je l'attendais, c'est elle. Exactement, c'est elle que j'attendais. Une fille comme elle, c'est ça que j'attendais. Elle s'assoit sur le canapé. J'ai l'impression qu'elle aimerait bien rester. À quoi pense-t-elle? Qui est-elle? Je ne sais rien d'elle, on s'est connus hier. Je l'attendais, comme je l'attendais. C'est elle, exactement, c'est elle que j'attendais. Une fille comme elle, c'est ça que j'attendais. Je l'attendais. Je l'attendais, comme je l'attendais. C'est elle, exactement, c'est elle que j'attendais. Une fille comme elle, c'est ça que j'attendais.